الدعوة السلفية. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الدعوة السلفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. أنا plaisir de vous présenter شرح تلخيص صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. إذا جاء الأثر بطل النظر. cours dispensé en direct de InSpeak par Abu Yusuf Abdullah Al-Aji حفظه الله. cours numéro 15 دعاء الاستفتاح l'invocation d'ouverture de la prière. On demande à Allah Azza wa Jal qu'elle soit profitable pour l'islam et les musulmans. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم واكتفى. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فإن شاء الله نبدأ في المراجعة دوك نبي ورا سمين دانيير. Doha al-istiftah. On a pu voir Doha al-istiftah. On a vu, Yanni, qu'elle était d'une grande importance dans l'islam, car elle regroupe, Yanni, des grandes valeurs. Elle regroupe des grandes valeurs dans lesquelles le serviteur est là, une aide pour revenir à Allah Azza wa Jal, Yanni, pour se repentir vers lui, tout même, et là, par là, un apaisement pour son cœur et ses membres, car comme on a pu évoquer, Doha al-istiftah, c'est, Barak lo fikoum, c'est des invocations. Et le fait d'évoquer le nom d'Allah Azza wa Jal, comme l'ayah l'indique, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, n'est-ce pas que par le rappel d'Allah Azza wa Jal que ça pèse les cœurs. Donc on a pu voir que barakallahu fikoum, du'a al-istiftah, elle est vraiment muhimma. Le fait de savoir ces choses-là n'incombe pas à la personne de les délaisser, même si, comme on a pu voir, quel est le jugement de du'a al-istiftah, c'est conseillé, c'est mustahab. Qu'est-ce qui prouve cela? Quelle est la preuve qui prouve cela? الدليل في نقص هذا حديث أبي هريرة أنه لاحظ من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسقط بين التكبير والقراءة. il voyait les observer que le Messie صلى الله عليه وسلم il marquait un temps de silence entre eux. عليكم السلام ورحمة الله. qui marquait un temps de silence entre التكبير et la lecture du Coran. il a demandé إسكتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول فيها؟ il a dit النبي صلى الله عليه وسلم أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا الحديث إلى آخره متفق عليه. donc dans ce hadith là, ensuite le prophète sallam lui a informé qu'il disait yani cette doua à l'istiftah. et comme on a pu le dire, yani si vraiment ça aurait été une chose obligatoire, comme le participant A nous l'a fait partager, si jamais cela aurait été une obligation, le prophète sallam n'aurait pas attendu que Abu Huraira il lui pose la question, mais il aurait été obligé de lui montrer yani le jugement de cet acte, surtout si jamais c'est une chose qui est obligatoire. Donc le fait que Nabi Sussam s'est tué, et comme on a pu le voir, elle est parmi les qawaid de Usul al-Fiqh, les règles de jurisprudence, que takhir al-bayan al-waqt al-haja la yajouz. Le fait de retarder un exposé ou un jugement au moment où il le faut, ceci n'est pas jaiz. Et comme on a pu le voir, comme nous l'a fait par participant numéro 1, wa jazahullah khairan, qu'il ne fait pas partie kadhalika des hadiths dans lequel les ulama sont tous unanimes que tous les énoncés qui sont évoqués dans ce texte-là sont tous de rukn, c'est-à-dire les choses par lesquelles s'accomplit la prière. Et il n'a pas été évoqué du'a al-istiftah. Il n'a pas évoqué du'a al-istiftah. Si jamais ça aurait été une obligation, une chose par laquelle annule la prière celui qui ne l'a pas observé, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'aurait enseigné à celui qui ne savait pas bien prier. Donc il y a le jugement de cela, c'est que c'est barakallahu fikoum mustahab. Le fait que Nabi Sussam l'a fait, Car il ne s'est pas connu qu'il a délaissé, donc ça fait de ce jugement-là qu'il est une sunnah. Et comme on va pouvoir, hatta on peut dire même mu'akkala, car un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais délaissé ceci. À quel moment il faut dire cela? Il y a cette dua-là, entre le takbir et la fatiha. Comme on a pu le voir, c'est encore un peu plus précis, c'est entre le takbir, naam, al-isti'adha, tamam, al-takbir al-isti'adha. Ils ont évoqué la lecture, ils n'ont pas évoqué l'isti'adha, comme on va le voir aujourd'hui, Inch'Allah. Le fait qu'elles sont souvent ensemble, ils l'ont inclus avec al-qira'a. Sinon, c'est entre al-takbir ou l'isti'adha, mais al-shaytan al-rajim, avant que la lecture de la fatiha soit lue. Et puis, on a pu voir après, les différentes façons de pouvoir ouvrir la prière. Avec ce doigt-là, comme on a pu voir, le hadith qui est le plus authentique, c'est celui qu'on a cité précédemment, c'est le hadith Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, comme on a pu l'évoquer, un Nabi sallam, il se taisait entre le takbir et le qira'a. Abu Huraira lui a demandé, qu'est-ce que tu dis entre ce moment-là? Et il a dit, je dis, Allahumma ba'id bayna wa bayna khataya, kama ba'adta bayna al-mashat wa al-maghrib, Allahumma naqili man khataya kama yunaqqa al-thawb al-abyad min al-danas, Allahumma khsimni min khataya bis-salji wal-ma'i wal-barad. Donc cette dua l'istiftah, c'est celle qui est la plus authentique, comme l'a évoqué Cheikh Mokbel rahmatullahi alayhi fi kitabihi sifat salat al-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ensuite, il y a un autre hadith qui est court, qui a été rapporté barakafikum par Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, rapporté par Al-Nasai et qui est authentique. Tamam. Dans lequel un Nabi sallam, ou plutôt une personne, pendant la prière avait dit Allahu Akbar Kabira, Alhamdulillahi Kathira, Subhanallahi Bukhratan wa Asila. Donc elle a ouvert la prière avec ses invocations. Et Nabi sallam l'a dit Ajabtu, Lakod Ajabtu min hadihi, Lakod Futihat laha, Yani Abu Abu Sama. Yani Nabi sallam, elle a vraiment pu cette dua d'istiftar, cette invocation d'ouverture. Et il a dit Yani les cieux se sont ouverts pour sa cause. Tamam. Donc ça, c'est aussi une façon de pouvoir ouvrir la prière. Et quand avec le hadith, وَجَّهْتُ وَجَهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَةُ أَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. تمام. الحديث كي تغبطي بالإمام وبدون يعني علي بن طالب رضي الله تعالى عنه. تمام. Et le hadith est authentique. Donc voici on avait cité juste trois manières de faire, et les autres qui ont été cités, Allahumma lakal hamd, anta nuru samawati wal ard, wa lakal hamd, anta qayyumus samawati wal ard, qayyamus samawati wal ard, wa kadhalika Allahumma rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil fatira samawati wal ard, na'am, alim al-ghaybi wa shahada, anta tahkum bayna ibadika fi makanu fi yakhtalifun ila akhirih. Yani ces deux hadiths d'ouverture, une invocation d'ouverture, elles ont été faites par Nabi Sallam pour Qiyam al-Layl. C'est pour ça que je me suis contenté de vous citer trois de ces choses-là. Donc il est bon de varier entre ces barakallahu fikoum, entre ces invocations, et de ne pas rester sur une seule. Car awalan Nabi Sallam il l'a fait. Et thaniyan, comme vous pouvez le voir à travers barakallahu fikoum, les textes de ces invocations, yani, elles comprennent de hautes sollicitations, le fait de revenir à Allah Azza wa Jal, de reconnaître sa seigneurie, son tawhid al-uluhiyya, wa tawhid al-asma wa sifat, des attributs et des asma et des noms, et d'autres, il y en a parmi les grosses salutations de l'islam. Donc c'est bien de varier entre les deux, entre ces trois-là, quand même. Et comme on a pu le voir, Katalika, celle qui a été évoquée dans le Med, comme celle que Yannick est connue un peu par tout le monde, c'est celle qui, dans laquelle il est dit Subhanaka Allahumma bihamdik, wa tabaraka smuk, wa ta'ala jadduk, wa la ila ghayruk. On a pu le voir ceci. Ce n'est pas une dua qu'un Nabi sallam il a fait pour ouvrir la salah, mais elle a été connue de Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu. Donc celui qui l'a fait aussi, kadalika ma afiché. Il n'a pas de problème. Mais c'est mieux qu'il fasse précéder les invocations qu'a fait un Nabi sallam, car Allah subhanahu wa ta'ala dit, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Donc on a un bon exemple dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Donc il est bon de s'en tenir à ces trois choses là, et si jamais la personne ajoute la dua de Omar ibn Khattab, inshallah, elle n'est pas blâmable, mais le mieux c'est de s'en tenir à la guidée du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wa khayrul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Lundi dernier, j'ai oublié de lire l'énoncé. Donc, Inch'Allah, on va le lire. قال رحمه الله تعالى دعاء الاستفتاح ثم يستفتح قراءة القراءة ببعض الأدعيات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Donc, Cheikh Al-Albani, رحمه الله تعالى, nous dit que le Nabi صلى الله عليه وسلم, après qu'il ait fait At-Takbir, il ouvrait sa lecture en la faisant précéder par des invocations qui sont authentiques. Qu'ils ont été rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال وهي كثيرة وهي كثيرة أشهرها. Et il dit, il y en a, sont multiples, il y en a ces invocations. Et la plus connue, tamam, ou la plus répandue, c'est سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Donc, dans cette invocation, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt il a été dit de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a exempté Allah azza wa jal de toute imperfection et qu'il lui a attribué tous les attributs de perfection, et il a fait l'éloge de son nom, c'est-à-dire en l'élevant au-dessus de toute chose, et qu'il a l'écart de sa souveraineté. Et il a conclu en disant qu'il n'adore autre qu'Allah Azza wa Jal, n'adore autre qu'Allah Azza wa Jal. Mais comme on a pu le voir, ça, c'est une dua qui est propre à Umar ibn Khattab, radiyallahu ta'anhu, et non, il y en a une dua qui a été authentifiée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, faut faire attention par rapport à l'énoncé qui a été cité là. Yani, c'est ma'ruf qui est le mawkouf ala Umar. C'est pas un Nabi sallam qui l'a dit, mais Umar. Amma Nabi sallam, comme on a pu voir, les trois qui sont pressés, qu'on a pu voir, tamam. Allahu akbar kathira, alhamdulillah kathira, wa subhanallah, bukatan wa sallam. Même s'il l'a pas dit, Nabi sallam, le fait qu'il l'approuve, ça fait partie de sa sunnah. Car la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam se divise en trois. C'est-à-dire le fait qu'il fasse une chose, sunnatun qawliya, c'est-à-dire le fait qu'il dise une chose, wa sunnatun taqririya, c'est-à-dire le fait qu'il approuve une chose. Donc le fait qu'il a approuvé cette dua qui a été dit par cette personne-là a fait partie de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il ne l'a pas dit, ni s'il ne l'a pas fait. Donc c'était ça à peu près ce qu'on a pu voir la semaine dernière, ou plutôt lundi dernier. Le cours était simple, donc Inch'Allah on rentre dans le nouveau cours. Qala rahimahullahu ta'ala. نعم عفوا يا اخي سكران النصي وقد ثبت الامر به فينبغي المحافظه عليه. نعم انه دي الشيخ الالباني النبي صلى الله عليه وسلم a certainly ordonné cela, donc il incombe d'observer ces dua là, de le faire de manière, c'est-à-dire ne pas sortir des dua qu'elle a dit النبي صلى الله عليه وسلم. Mais je vois pas d'où il a pris le fait que النبي صلى الله عليه وسلم l'a ordonné cela. On a qu'un hadith dans lequel Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est tué, et il vise le hadith. Il y a un hadith qui est venu dans celui qui ne savait pas prier, mais cette version-là, elle n'est pas sahiha, dans lequel il a dit la yatimu salatu ahadun min al-nas illa yastaqbal al-qibla thumma kabbara thumma da'a bima sha'a. Le hadith est à peu près comme ça. Donc il a dit, la salat de l'un d'entre vous ne sera complète qu'après qu'il ait qui s'est dirigé vers la Qibla, qu'il ait fait le takbir et qu'il ait prononcé des du'as. Ce hadith-là, il n'est pas fiable, il n'est pas catholique authentique. Et c'est pas connu que Nabi Sussan a ordonné la personne qui ne savait pas prier de dire cela. Il ne lui a pas ordonné cela. Donc il y a ni le fait qu'il l'ait fait, comme ils disent ulama al-usul, ça fait de cet acte-là qu'il est une sunnah. Ça fait de cet acte-là qu'il est une sunnah. Donc l'amr, quand il a dit waqad thabata al-amr bihi, والصحيح أنه ما ثبت الأمر به. النبي صلى الله عليه وسلم لا با أردن صلاة. تمام. Donc aujourd'hui inshallah on rentre dans le cours. تمام القراءة. قال رحمه الله تعالى القراءة. La lecture. Donc Cheikh Al-Albani, il nous dit là, les choses qu'on va voir, c'est la lecture. La personne peut penser qu'on va voir la lecture de l'Fatiha. Et la lecture d'une chose, il se dit, pour les versets qui sont récités. تمام. Et on ne dit pas yani al-qira'a pour les choses qui sont des du'a et l'akhiri. Mais la chose qui est voulue ici, tamam, même si jamais il a intitulé le chapitre en disant al-qira'a, la lecture, Cheikh Al-Albani, il va déjà yani, élaborer le sujet de dua, plutôt à l'istihad, le fait de prendre le refuge auprès d'Allah Azzawajal contre le mal de Shaytan. Et qu'à tel cas, al-basmala, le fait de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La personne peut dire yani, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, al-basmala, wa ta'awud min al-Shaytan ar-Rahim. Ça ne fait pas partie de la lecture, mais ce sont barakallahu fikum, des duas, même qui sont précédés à la lecture. Naam, c'est le cas. Cheikh Al-Albani, il n'a fait qu'inclure la demande de refuge contre Shaitan et la basmala, le fait de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dans la lecture d'Al-Fatiha, c'est-à-dire en intitulant ce chapitre Al-Qira'a, car elles font partie, non parce qu'elles elles font partie de Al-Fatiha, mais car elles sont souvent citées et liées avec la Fatiha. Toute personne qui veut, comme lire le Qur'an, lorsqu'il lit le Qur'an, il prend le refuge auprès d'Allah Azzawajal contre Shaitan ar-Rajim. Et ensuite, il fait la basmala, il basmil, c'est-à-dire il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ensuite, il lit le Coran. Donc, le fait que ces choses-là soient attachées souvent avec la lecture, ils les ont inclus avec la lecture, non parce que, parce qu'elles font partie de la lecture, mais parce qu'elles sont souvent liées à la lecture. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Le chapitre qui est évoqué là, c'est yani barakallahu fikoum, c'est la lecture, c'est pas la lecture, mais l'évocation de ta'awud billah min ash-shaytan ar-rajim, donc le fait de prendre le refuge, et la basmala. Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, nous dit la demande de refuge n'est pas un verset de la Fatiha, mais une demande que nous faisons précéder à la lecture de la Fatiha et du Coran, afin de nous prémunir du mal du shaytan ar-rajim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, fa'idha qara'ta al-Qur'an, fasta'idh billahi min ash-shaytan ar-rajim. Et lorsque tu veux lire le Coran, prend refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le shaitan lapidé. Tamam. Donc elle ne fait pas partie, barakallahu fikum, de Naam, elle ne fait pas partie de l'Fatiha, comme l'a évoqué Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Les ulama disent, et parmi eux, l'éminent imam Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, qui nous dit, lorsque tu cernes les qualificatifs par lesquels est caractérisé le shaitan, c'est-à-dire Ar-Rajim ou bien d'autres surah, barakallahu fikum, al-la'in et l'akhirihi, tu comprends mieux, yani, pourquoi il est légiféré, avant la lecture du Coran, yani, de prendre le refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, contre le mal, le shaitan, ar-Rajim. Car la personne qui sait que shaitan, il est lapidé, que shaitan, barakallahu fikum, il est la'in, il est maudit, t'as-t-il, et d'autres caractéristiques par lesquelles il est caractérisé, qualifié, et même hatta à travers le sens du mot shaytan dans la langue arabe, qui est dérivé du verbe yani shaytana, c'est-à-dire il est utilisé pour une chose qui est différente et distincte, comme l'a évoqué l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il dit shaytan est différent de la nature de l'homme et distant de lui yani, par sa perversité. Et il nous dit donc voilà pourquoi il incombe de se réfugier de son mal, car celui qui est qualifié, comme on a dit, comme étant banni, comme étant maudit, comme étant jeté de la miséricorde d'Allah Azzawajal, tu n'attends pas, après avoir connu, cerné les caractéristiques de Shaitan, qu'il est maudit et qu'il est rejeté, tu n'attends pas de lui quelconque bien. C'est pour ça qu'on prend le refuge contre lui, car on ne peut attendre que le Shaitan, que le mal, que le fait qu'il chamboule, que le fait qu'il perturbe dans la prière, et même bien pire. Shaitan, yani, comme c'est évoqué, dans le Coran, c'est un ennemi déclaré. قال الله سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. Le shaitan est certes pour vous un ennemi déclaré, prenez-le comme ennemi. Et on doit donc s'armer pour repousser son mal avec les armes, comment on pourrait dire ça, superficielles, ma'nawiyya. C'est-à-dire en prenant, barakallahu fikum, en demandant le refuge auprès d'Allah Azzawajal, et comme on va voir qu'à tel cas, elles basmalah, car elles ont un impact sur shaitan, qui le repousse et qui te prémunit de son mal. Il est évoqué dans le Coran, dans le surat al-Hajj, « Anna Allah subhanahu wa ta'ala qal, wa ma arsalna min qablika min rasulin, wa la nabiyin illa iza tamanna shaytan, naham alqa shaytanu fi umniyatihi. » Il est donc dit approximativement dans ce verset, « Et nous l'avons envoyé auparavant, ni de messager et ni de prophète, sans que le shaytan, le diable, n'ait essayé de perturber dans la lecture les prophètes. L'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, si ce maudit al-shaytan a eu l'audace de vouloir perturber les prophètes alayhi salatu wa salam, qui sont les meilleurs des hommes, qui sont les plus sincères des hommes, qui sont les hommes dont les cœurs sont les plus repliés dans leur prière, dans les actes, et pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont les hommes qui sont les plus pieux, qui sont la meilleure des créatures, yani, qui est des êtres humains quand même. Donc il dit, que dire alors de nous? Que dire alors de nous, nous qui avons une science qui est, et une taqwa qui est bien, beaucoup plus, comment ça s'appelle, infime que celle des prophètes et des anbiya. Donc il nous dit, des messagers et des anbiya, donc il nous dit qu'il incombe, et qu'il incombe deux fois plus à nous, d'observer cette dua, car shaitan, comme l'a dit l'imam Sa'adi, rahimahullah ta'ala, il s'empresse lorsque tu veux t'orienter vers, pour faire un bien, il s'empresse à vouloir te chambouler, à vouloir te perturber, à vouloir t'empêcher de faire cette adoration-là. Donc si jamais il l'a fait, il a essayé ça avec des anbiya, que dire alors de nous, comme l'a dit l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala. Donc il nous accompagne, barakallahu fikum, de prendre plutôt refuge auprès d'Allah Azza wa Jal, parfois par sincérité et par conviction. Tamam, bit tawakkul ala Allah Azza wa Jal. Car Shaitan, comme l'a évoqué l'imam Sa'adi, il s'empresse de vouloir chambeler le serviteur lorsqu'il s'oriente vers une adoration. Et quelle plus grande adoration on se doit de préserver en ayant dehors de la salah, qui est, comme l'a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, umud din as-salah. Yani le pilier de la religion, tamam, c'est la salah. C'est le lien qui est entre toi et Allah Azza wa Jal. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. Le moment où le serviteur est le plus proche d'Allah Azza wa Jal, c'est lorsqu'il est barakallahu fikum en sujoud, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala écoute ses du'as et ils sont plus propres à être acceptés. قال رحمه الله تعالى ثم يستعيذ بالله تعالى وجوبا ويأثم بتركه. Il nous dit Cheikh Al-Albani رحمه الله تعالى, donc après qu'il a fait le takbir, ou plutôt qu'il a fait du'a l'istiftah, il nous dit, à Cheikh Al-Albani, qui demande, qui l'incombe au abd, au serviteur, de prendre refuge auprès d'Allah Azza wa Jal, et ceci lui incombe, c'est une chose qui lui est obligatoire, il nous dit, wa ya'tham bitarkihi. Et il a commis un péché si jamais il n'a pas pris la demande de refuge, yani auprès d'Allah Azza wa Jal. Avant de rentrer dans le jugement, comme on a pu le voir, le fait que la personne fait ça, elle est en train de, barakallahu fikum, s'exposer à ce que, si jamais sa prière ne sera pas yani, invalide, mais elle sera exposé à ce cas, que la récompense de cette prière-là va être yani, minime, parce qu'il n'a pas pris les précautions et ne s'est pas prémuni contre le mal de Shaitan. Donc ça veut dire que soit il a fait par inadvertance, c'est-à-dire il a oublié, mais si jamais il n'a pas oublié le fait, ça c'est grave, parce que Shaitan, comme on a pu le voir, tu ne peux pas repousser son âme, son mal, que par l'aide d'Allah Azza wa Jal. Donc si tu ne prends pas l'aide auprès d'Allah Azza wa Jal, vers qui vas-tu prendre l'aide yani, pour repousser l'adversité de Shaitan? Quant au jugement de l'istiraada, c'est-à-dire prendre le refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre le mal de Shaitan, comme l'a évoqué Cheikh Al-Albani, c'est une obligation, wujuban. Donc il est, la personne commet un péché si jamais il délaisse, et kadhalika, il s'expose au châtiment avilissant yawm al-qiyamah, s'il ne se repent pas d'avoir délaissé cette istiraada. Tamam. Wa dalil alladhi yadul ala dhalika. Donc la preuve qui nous prouve que cette chose-là est obligatoire, قوله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Donc lorsque tu veux lire le Coran, yani prends le refuge auprès d'Allah عز وجل contre الشيطان الرجيم. Allah سبحانه وتعالى nous dit فاستعذ, et ça c'est un amr, yani c'est un amr. Le fait qu'il dit فاستعذ, ceci est un ordre, et l'ordre est bien connu dans les jugements du usul fiqh, tamam, des bases de la jurisprudence, que lorsqu'une chose, lorsque shara, lorsque l'islam, lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم où Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne une chose, comme on a pu le voir, on a répété plusieurs fois, le fait qu'il nous ordonne une chose, le jugement de cette chose qui nous a été ordonnée, c'est l'obligation, à partir du moment où on n'a rien d'autre qui nous prouve ou bien qui dévie ce jugement, c'est-à-dire l'obligation vers la recommandation. Donc à partir du moment qu'on n'a rien qui dévie le jugement vers un autre jugement, on doit laisser le texte tel quel. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne une chose, c'est pour qu'on la mette en pratique. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Donc là, cette menace-là, elle a été faite pour les ordres qui sont délaissés. Il dit, ceux qui délaissent l'ordre, ou bien qui méprisent l'ordre qui leur a été demandé de faire, donc qui prennent garde à ce qu'un châtiment ou une fitna les touche, ou bien un châtiment avilissant. Donc le fait qu'on délaisse ça, ça prouve, si jamais il nous est réservé à la chose qu'on délaisse, un châtiment avilissant, ou bien une fitna, ça nous prouve que cette chose-là, elle est obligatoire. Tamam. Et ça, c'est la parole de certains parmi les ulama. Parmi les ulama, ce n'est pas la parole de la majorité et l'unanimité des savants, mais une parole d'une partie des savants. Tandis que la majorité des savants, ils voient que c'est mustahab, c'est juste mustahab, et ils n'ont rien qui appuie leur avis, c'est-à-dire de dire que le jugement c'est une recommandation, ils n'ont rien qui dévie l'obligation qui est ordonnée dans la ayah vers la chose qui est recommandée. Donc on laisse le texte tel quel, même si la majorité des savants ils sont partis vers un jugement autre. Donc as-sahih, comme a dit Cheikh al-Albani wa ghayruhu, c'est que al-istihaza c'est wajib, c'est-à-dire celui qui délaisse, comme l'a dit Cheikh al-Albani, il a commis un péché et s'est exposé à être châtié yawm al-qiyamah s'il ne se repent pas de cela. Tamam. Donc on est obligé de le dire avant de commencer la lecture. Tamam. Est-ce qu'il faut le dire maintenant à chaque fois que tu te lèves pour faire un rak'a, c'est-à-dire si jamais mathalan, tu pries al-fajr, c'est-à-dire la première rak'a tu fais l'istihaza, ensuite dès que tu t'es levé comme du deuxième sujoud pour te mettre debout, est-ce que tu dois recommencer l'istihaza lorsque tu veux lire al-fatiha? Al-zahir, c'est que yani, il doit recommencer, et même si on prenait même d'apparence le texte, yani, ça lui incombe de recommencer, yani, c'est obligé pour lui de recommencer à chaque rak'a. Mais on n'a pas vu de ulama qui, comme l'a dit Cheikh Mohamed Ibn Hazm, qui ont évoqué que le jugement il est obligatoire. Il est obligatoire la première fois, et ils nous disent que la deuxième fois, c'est-à-dire si jamais tu le répètes dans la deuxième rak'a ou la troisième et la quatrième, tamam, ils nous disent que c'est une chose qui est surérogatoire, c'est-à-dire recommandée. Tamam. Donc, même si jamais d'apparence, on aurait pu pencher vers le jugement qui s'est obligé de le répéter à chaque rak'a, là, on ne connaît pas de a'imma qui nous ont précédés sur cela. Donc, il y en a, il faut éviter, c'est-à-dire de se trouver en position seul dans des sujets dans lesquels il y en a les ulama t'ont précédé et tu ne connais personne qui est conforme à ton opinion, tamam, surtout dans ce siècle-là. Tamam. Donc, c'est recommandé de, après de l'avoir dit dans la première rak'a, c'est recommandé de la dire dans la deuxième, troisième, quatrième et l'akhirah. Yani, à quel moment il est demandé de faire cela? Comme on a pu le voir, yani, c'est entre al-qira'a, c'est entre barakallahu fikum al-takbir wal-qira'a, entre le takbir wal-qira'a. كما دل على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يستفتحون صلاتهم بالحمد لله رب العالمين أي بالحمد لله. يعني نص حديث كي متفق عليه أنس بن مالك nous informe que le prophète صلى الله عليه وسلم عمر ou plutôt أبو بكر وعمر ils avaient pour habitude d'ouvrir leur prière en disant الحمد لله رب العالمين, c'est-à-dire à voix haute, تمام الحمد لله رب العالمين. Et c'est pas connu que l'istihada allait dit barakallahu fikum après qu'il ait fini le Fatiha, donc ça peut être qu'avant, et la parole d'Allah azza wa jalla nous le prouve. Fa idha qara'ta al-Qur'an fasta'iz billahi minash shaitanir rajim, et lorsque tu veux lire le Coran, prends refuge auprès d'Allah azza wa jalla. Donc il faut faire précéder l'istihada ala al-qira'a wa kadhalika ala al-basmala, comme ça va venir inshallah ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala والسنة أن يقول تارة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. Il nous dit النفث هنا c'est الشيع المذموم. Cheikh al-Albani nous dit il fait partie de la sunna donc de varier entre les dua pour l'istihadha, les dua pour demander le refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal de shaitan à son divers. Donc il est bon de varier. Il nous dit de temps en temps il faut faire ceci et de temps en temps, comme il va l'évoquer après, il faut faire cela. Tamam. Donc la première formule qu'il nous a évoquée, Cheikh Al-Albani, ici, c'est celle dans laquelle le Nabi Sufam قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه, qui est همزه, comme l'a évoqué Ibn Mas'ud رضي الله تعالى عنه, qui est al-junun, c'est-à-dire tu prends refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu ne sois pas possédé, que shaitan, yani, il ne soit pas une cause que pour que tu sois, yani, par la suite, yani, possédé. وَنَفْخِهِ, il nous dit, c'est le kibr, car yani, il te souffle, il nous souffle des mauvaises choses, jusqu'à, comme ils disent, te souffler yani, dans les bronches, jusqu'à yani, te gonfler et te prendre yani, pour une personne que tu n'es pas, c'est-à-dire, tu deviens une personne qui est orgueilleuse. Tamam. Donc, c'est nafkh shaytan, c'est le kibr, comme l'a dit kadhalika Ibn Mas'ud, Abdullah Ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu. Qala wa nafthuhu, wa nafth huna, qala shi'a al-mazmum. Wa kadhalika, ils ont dit, c'est le qawl al-batil, wa kadhalika al-qawl ou al-kalam al-radi. Tamam. Al-nafth huna, ils nous disent, c'est les poèmes qui sont vains, qui n'ont aucun sens, tamam. Et quand ils ont dit, c'est les paroles qui sont inutiles ou bien les paroles qui sont d'un degré yani, minime, auquel on ne doit pas importer d'importance, ardi, qui est vraiment d'un degré très très bas. Donc cette manière de faire, elle a été authentifiée par le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et parmi les formules qui peuvent être évoquées, celle qui va nous dire à la suite, c'est-à-dire وقال وتارة يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم تمام لكن هذا cette formule comme l'a évoqué Cheikhana Mohamed ibn Hizam حفظه الله تعالى certains paragraphes ou certains énoncés dans ce hadith là ne sont pas authentiques comme c'est le cas de السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يعني en rajoutant. C'est la même que la première, sauf qu'on rajoute après l'Azul Jalala, Samir al-Alim. Lakin, le fait que tu rajoutes Samir al-Alim, comme l'a évoqué Cheikhana Mohamed al-Hizam, c'est une chose qui n'est pas authentifiée. À son venu, il y en a de plusieurs versions, et dans une version, il y a une personne qui est Mubham, c'est-à-dire on ne connaît même pas. T'as même si, son nom, on ne connaît même pas son nom, on ne connaît même pas, Yannis, si jamais elle est d'un din, comment ça s'appelle, qu'il est Adl, c'est-à-dire qu'il est pieux. On ne sait pas si jamais c'est quelqu'un qui a une bonne mémorisation, donc on ne peut pas juger de ce hadith-là qui peut être authentique. Et Kazalika, dans une autre version, une personne qui est inconnue, elle est majhoul. Kazalika, on ne connaît pas son côté religieux ni son côté au niveau de la mémorisation. Et dans un autre, c'est une version qui a été rouée à Bard al-Ikhtilat. C'est-à-dire une version qui a été rapportée par une personne à qui il a pris le hadith d'un shir qui n'avait plus tout son esprit. C'est-à-dire que à cause de qu'il est pris de l'âge, tamam, et il a perdu un peu yani, son esprit, c'est-à-dire qu'il racontait les hadiths de manière contradictoire. C'est-à-dire que les personnes qui sont connues pour ces choses-là, on ne peut pas prendre un hadith, car qui nous garantit que le hadith il a été rapporté de cette manière-là. Donc à partir du moment où c'est Hilal à son moujoud, à son présent, yani, ces causes-là qui ont un impact yani, dans l'authenticité d'un hadith, à partir du moment qu'elles ont été évoquées à son présent, on ne peut pas prendre de ce hadith-là, barakallahu fikum, a'udhu billahi as-sami' al-'alim min ash-shaytanir rajim ila akhirih, on ne peut pas le prendre pour dire que c'est une sunna dans laquelle un Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, car ce n'est pas authentique. Tamam. Et même, bien pire encore, on a pu voir d'autres versions, d'autres tariqs, dans lesquelles il n'a pas été évoqué, barakallahu fikum, as-sami' al-'alim. Tamam. Et ces tariqs-là, dans lesquelles il n'a pas été évoqué as-sami' al-'alim, ce sont des tariqs qui sont hasana, qui sont fiables, comme ils traduisent dans la langue française. Tamam. Yani, c'est le degré qui est en dessous de le hadith sahih, yani le hadith al-hasan. Donc yani, en conclusion, le fait de dire a'udhu billahi sami' al-alim min ash-shaytanir rajim min namzihi wa nafthihi wa nafthihi, c'est une chose qui n'est pas authentique, c'est-à-dire le fait que tu dises as-sami' al-alim, tu dois juste dire a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim min namzihi wa nafthihi wa nafthihi, tamam, comme c'est le cas de la première doua. Naam, il n'avait pas évoqué, il a une autre manière de faire. En fait, il y a deux manières de faire comme on peut le voir. C'est celle qui à laquelle yani appelle le Coran. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. C'est le fait que tu dises أعوذ بالله من الشيطان الرجيم et tu t'en tiens à cela. Sans rajouter, comme l'a fait le Prophète صلى الله عليه وسلم, من همزه ونفخه ونفثه. Et cette manière de faire là, elle a été authentifiée par Omar ibn Khattab رضي الله تعالى عنه وابنه يعني عبد الله بن عمر. Yani, donc Omar ibn Khattab et son fils avaient pour habitude, lorsqu'il demandait le refuge auprès d'Allah Azzawajal contre le shaitan, de dire juste A'udhu billahi minash shaitan rajim, comme l'indique Al-Qur'an. Donc même si le Nabi ne l'a pas fait, comme l'a dit Cheikhana Mohamed al-Hizam, yani, le Qur'an il appuie cela. Le Qur'an il appuie cela, car là, si on prend la généralité du texte, yani, on peut voir que c'est possible de faire cela, c'est-à-dire de se tenir à dire A'udhu billahi minash shaitan rajim, lakin khayrun hadi Muhammadin. Sallallahu alayhi wa sallam, et c'est la chose qu'on se recommande, c'est-à-dire de dire la première des versions qui est A'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, wa nabi sallallahu alayhi wa sallam qala wa khayrul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa qala Allah subhanahu wa ta'ala qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, comme on a pu l'évoquer plusieurs fois. Donc inshallah, faut faire cela, la première. Qala rahimahullahu ta'ala thumma yaqulu sirran fil jahriyya wa sirriyya bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc il nous dit, avant cela, j'allais oublier, la mas'ala, nous est-il permis d'élever la voix lorsqu'on prend le refuge auprès d'Allah Azzawajal contre Shaitan Ar-Rajim? Non, il n'est pas permis de faire cela, car An-Nabi ne l'a jamais fait. Comme j'ai pu vous l'évoquer dans le hadith Anas, la chose par laquelle on connaissait que Nabi Sassam ouvrait la prière, c'est par le fait qu'il disait quoi ? At-takbir, et ensuite il disait Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est-à-dire, entre cela, on n'a pas entendu Nabi Sassam élever la voix pour prendre le refuge auprès d'Allah Azza wa Jalla contre Shaitan au régime. Ça, c'est un point. Deuxième point, comme on a pu l'évoquer plusieurs fois, le asl, c'est-à-dire la base dans les du'as, c'est qu'elle soit faite de manière discrète. Comme l'indique le verset, Udu'u Rabbakum tadarru'an wa khufya. Yani, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par humilité et par discrétion. Donc la base dans les invocations, c'est que ça soit fait de manière discrète, que toi-même tu te fasses entendre, de manière d'une voix très très basse. Hein. Et à partir du moment qu'on n'a pas une preuve qui nous prouve que tu peux élever la voix, la base c'est que tu dises la dua, tu la fasses à voix basse. Hein, que tu la fasses à voix basse. Et certains vraiment ont dit que ni Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ni les sahaba, ni les tabi'in ont été connus pour avoir élevé leur voix en disant « al-istirada ». Donc ceci n'est pas légiféré, tu l'as dit à voix basse. « Qala thumma qala rahimahullah ta'ala thumma yaqulu sirran fil jahriya wa sirriya bismillahi ar-rahman ar-rahim » Ensuite il nous dit « Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala » Ensuite, après qu'il ait fait le refuge, qu'il a demandé le refuge auprès d'Allah Azzawajal contre Shaitan al-Rajim, il nous dit, il doit dire de manière discrète, que ce soit dans les prières à voix haute ou dans les prières à voix basse, il doit dire Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim, qui est Al-Basmala. Le fait de dire Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. On peut voir, Barakofi, comme avant de rentrer dans le jugement qui a été évoqué dans ce paragraphe, que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour ses serviteurs des choses afin qu'ils vraiment se prémunissent contre le mal de Shaitan. La première, comme on a pu voir, par la demande de refuge. La deuxième, par le fait de dire Bismillahir Rahman Rahim. Et comme c'est ma'ruf fil lugha, et comme l'a dit l'imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, c'est la parole à vie de Barlofikum, des gens d'Ahl Sunnah. C'est-à-dire que le ba qui figure dans Bismillah, il nous dit c'est pour al-isti'adha. C'est-à-dire le prendre, l'aide auprès d'Allah Azza wa Jal dans les choses que tu entreprends. En prononçant le lafz al-jalala, c'est-à-dire le nom d'Allah Azza wa Jal, ismuhu al-a'zam, comme ça a été évoqué dans certains hadiths, c'est son nom qui est le plus grand, on demandera à Allah Azza wa Jal qu'il te fasse une miséricorde, car tu évoques ces deux attributs qui sont ar-Rahman ar-Rahim, qui sont des attributs de miséricorde. Donc la personne, elle espère, lorsqu'elle dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne l'aide. Et si la personne ne peut pas achever une chose ou ne peut accomplir une chose que par l'aide d'Allah Azza wa Jal, qui m'a dit Allah subhanahu wa ta'ala wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbil alamin, et vous ne pouvez qu'à l'exception que si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Donc le abd, comme a dit le cheikh al-islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il a besoin d'Allah Azza wa Jal dans sa ibadah plus qu'il a besoin de la nourriture et de barakallahu fikum, de sa boisson. Donc il faut prendre qu'à l'écart cette basmala-là. La basmala-là, comme on va le voir, inshallah, ce n'est pas une chose qui est obligatoire. Lakin, c'est une chose qu'il ne faut pas délaisser, car tu as, à travers cela, une aide. Afin que tu achèves les choses comme Allah l'aime, subhanahu wa ta'ala. Et il est déjà venu dans le hadith que l'abd, il a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, tasaghara ash-shaytan hatta asbaha kadh-dhubab. Dans un hadith qui a été évoqué dans le Jami' Sahih de Cheikh Mokhbar rahimahullah ta'ala, Nabi sallam nous informe que le abd, lorsqu'il dit al-basmala, c'est-à-dire bismillah ar-rahman ar-rahim, al-shaytan, il se fait tout petit. Il se fait tout petit jusqu'au point d'être de la taille d'une mouche. C'est-à-dire, la vraie force, la vraie arme que tu as pour te prémunir de son mal, c'est pas en rentrant dans des discours avec lui, ou bien, c'est que tu prennes l'aide auprès d'Allah azza wa jal. Car Allah subhanahu wa ta'ala, son nom est le plus grand. Il suffit qu'il soit évoqué et le batil, khalas, il disparaît. Comme c'est le cas avec la basmala, shaitan, il se fait tout petit jusqu'au point d'être, jusqu'au point d'être, semblable à une mouche. Donc on prend l'aide auprès d'Allah Azza wa Jal, et natawakkal Allah Azza wa Jal, on se replie, nos cœurs doivent être repliés vers Allah Azza wa Jal, et c'est vers l'aide qu'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Cheikh nous dit que la basmala doit être dit de manière discrète. Sirran fil jahriya. Et cette mas'ala-là, c'est une mas'ala dans laquelle il y a une grande, grande divergence. Est-ce que tu dois dire al-basmala à voix haute ou la basmala à voix basse? Jusqu'au point, dans certains pays, comme c'est le cas dans le Yémen, ils ont l'habitude, eux, de le dire à voix haute. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Si jamais tu as le malheur de venir présider dans la prière et que tu ne dis pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Iyak wa Iyak, yani tu vas entendre les voix crier comme ça arrivait avec Cheikh Abu Amr. Yani une petite anecdote au passage. Une fois, il a pris le Jum'a et comme on va le voir, la vie prépondérante, c'est que tu dises à voix basse Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, tamam. Et lui, il a dit à voix basse, comme c'est la sunnah. Tamam. Lakin, les gens ici, c'est soit tu suis leur passion ou soit tu deviens leur pire ennemi. Dès qu'il a fini la prière, il a insulté tous les noms. Ya kharrab al-din, tu es en train de démolir la religion. Ya kada wa ya kada wa ya kada. Vous prétendez al-ma'rifa dans cette mosquée, vous êtes des djahil, ceux qui ne disent pas le basmala, wa kada wa kada. Yani, les gens, lorsqu'ils ont un djahil, c'est shadid. Yani, c'est pour vous dire que cette divergence-là, elle est partie à un point jusqu'à même, yani, certaines personnes, ils vont jusqu'à insulter les gens. Yani, normalement, tu fais précéder le conseil, tu vas le voir, tu lui dis, écoute, la mas'ala, moi je vois kada wa kada. Et un débat qui doit être mis en place. Ama, on vient insulter parce que la personne n'a pas le même avis que toi, tamam. Dans une mas'ala dans laquelle il y a une divergence, c'est-à-dire que normalement c'est ar-rahma, c'est le conseil, c'est qui doit être observé et non pas le shidda, tamam. Et les gens, vous voyez comme ils peuvent se comporter. Donc inchallah, nous talab al-ilm, même si on voit que la vie il est autre, tamam. Si tu vois une personne qui élève la voix, tamam, on ne doit pas s'identifier à ces personnes-là, tamam, qui ont un fiqh et une compréhension qui est vraiment très basse. On va voir la personne, on le conseille. Si elle accepte le conseil, alhamdoulilah. Si elle n'accepte pas, inshallah, la mas'ala fi akhilaf. Et certains de les sahaba, ils ont déjà élevé la voix dans le basmala. Donc il n'y a pas de shidda à voir. Lakin ar-rahma wa al-conseil, tamam, wa al-sabr. Jazakumullah khairan. Donc il y a, pour revenir au jugement, l'avis qui est préparé comme mon avis, c'est que tu dises à voix basse. Car il y a plein de dalils qui nous prouvent cela. Le premier, hadith Anas ibn Malik, ce que j'ai cité précédemment. Anahu qal, كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يستفتحون صلاتهم بالحمد لله. Donc يعني nous dit le prophète صلى الله عليه وسلم, عمر et Abu Bakr plutôt, Abu Bakr et Omar, ils avaient pour habitude d'ouvrir leur prière en disant Alhamdulillah Rabbi al-Alamin. Ça veut dire qu'il a pas dit quoi? Alhamd, il a pas dit le basmala. Il n'a pas dit كذلك عيش. Il a pas dit كذلك يعني الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. Donc ceci nous prouve que ce chose-là qu'ils avaient l'habitude de faire, ils l'ont pas fait, donc il faut délaisser. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تطيع أبو بكر وعمر تهتدوا سبك يوبي أبو بكر وعمر يعني سعجده تمام وكذلك حديث عائشة في مسلم لكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته بالتكبير والقراءة أي بحمد لله رب العالمين dans ce hadith authentique rapporté par مسلم عائشة رضي الله عنها nous fait part que النبي صلى الله عليه وسلم il avait pour habitude d'ouvrir la salat en élevant la voix, c'est-à-dire en disant At-Takbir, parce que c'est lui l'imam, donc il doit être suivi, et celui qui préside les gens, donc le fait de présider les gens, tu dois élever la voix pour que les gens puissent te suivre, comme on a pu le voir, Inch'Allah, avec la mas'ala dans Takbir. Mais si jamais tu es tout seul, tu n'élèves pas la voix pour dire Takbir. Il nous dit, donc il élevait, Aïcha nous dit que Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam élevait la voix au Takbir et Bilhamdallah, avec la lecture. C'est-à-dire que Al-Basmala wa al-Isti'adha, il la faisait à voix basse. Ça, c'est un hadith qui est rapporté par Muslim. Tamam. Et avec un hadith, il y a un athar Ibn Abbas, radiallahu ta'ala, qui nous dit Annahu qala, na'am, al-jahr bil basmala, qira'atul a'rab. Tamam. C'est une sanad, ce sanad-là, c'est une chaîne de transmission, et Hassan, comme l'a évoqué Cheikh Mohamed bin Hazam. Rahimallahu ta'ala, hafidahullahu ta'ala. Donc Ibn Abbas nous fait part dans ce athar, il nous dit que les personnes qui élèvent la voix en disant basmala, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il dit ça c'est la manière de faire des bédouins. Donc en gros, il est en train de réprimander ces choses-là. Parce que les bédouins, c'est ma'ruf, c'est ceux qui ont peu de compréhension dans le dîn. Il y a d'autres hujjah par rapport à ça. On se contente de ce qui a été évoqué là, car c'est des hujjah qui sont clairs et qui sont authentiques. À main des personnes qui ont dit que c'est possible d'élever la voix, comme l'a dit Cheikh al-Islam Taymiyyat rahimahullah ta'ala, lorsque tu penches le regard sur les arguments qui ont été évoqués, pour ceux qui disent que tu peux élever la voix, il nous dit tous les hadiths et tous les athars qui ont été évoqués, aucun de ces athars et de ces hadiths, ils sont authentiques. Et aucun de ces athars, beaucoup de ces athars-là, même s'ils sont authentiques, lakin ils ne sont pas clairs. C'est-à-dire que tu peux l'interpréter d'une autre manière. La voie, le boulevard est ouvert pour que tu puisses l'interpréter d'une autre manière. Mais les arguments qu'on a pu ramener là, tu ne peux pas l'interpréter. C'est wadih. Amma, les arguments des autres, c'est possible de l'interpréter d'une autre manière. Et il nous dit, et si jamais comme tu vois ou bien Yanni, tu vas voir Yanni, les autres arguments ils sont faibles. Au catholique, قال به الدار القطني رحمه الله تعالى, il nous dit la plupart des arguments qu'ils ont pris ces gens-là, ils sont mawquf, c'est-à-dire qui ne remontent pas au prophète sallam, mais qui sont limités au barakatoufikum, au sahaba. Il y en a des avis des sahaba. Et c'est ma'rouf, la hujja, c'est-à-dire que la preuve qui nous incombe et qui incombe à tout le monde de suivre, c'est la parole du prophète sallam et non pas la parole d'un sahaba parmi les sahaba. Amma, la chose qui nous est obligée de suivre, c'est l'ijma'. Lakin l'ijma', il ne faut pas qu'il khalaf al-mas. Donc parmi ces preuves-là, barakatoufikum, الأثر كما نقول عن أبي هريرة ضمن كان يدي إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم. donc أبو هريرة يدي lorsque tu lis le Fatiha, تمام, tu dois dire بسم الله الرحمن الرحيم. donc ça c'est la vie d'Abu Huraira. c'est معروف الصحابة كانوا يجتهدون يفعلون des efforts d'interprétation, تمام. si jamais il a vu une chose qui lui a dit yani, qui ou plutôt qui lui a permis de pouvoir faire cet effort de compréhension, تمام, ou d'interprétation. لكن c'est pas tout effort d'interprétation qui est juste. Hein. Comme on a pu le voir, certains efforts d'interprétation de Sahaba, ils se sont conclus sur une erreur, comme c'est le cas du wudu jusqu'aux épaules, tam, et jusqu'aux genoux. Tam, hein. C'est un effort d'interprétation, mais c'est pas pour autant que on doit le suivre, ou que c'est un argument ou une preuve qui incombe à tout le monde de suivre. Là, la dernière année, il est venu de Athar Anas ibn Malik, radiallahu anhu, dans laquelle on dit, yani, su'ila an qira'ati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, faqala maddan. Il a été questionné au sujet de la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit yani, qu'il lisait, yani, qu'il prolongeait le moudoud. Yani, le moudoud, ma'rouf, yani, el moudoud, yani, ma, fi, tamam, il a khiri. Qala thumma qara'a, bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim, tamam, alhamdulillahi rabbil alameen. Il a prolongé, yani, la terminaison ou bien la fin des versets. Ils nous ont dit, donc il a dit bismillah ar-Rahman ar-Rahim. D'accord, on peut interpréter ça aussi. On dit, il a imité la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne nous a pas dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam débutait par le bismillah. Tamam. Parce que c'est bien de commencer par le bismillah lorsque tu veux, barakallahu fikoum, commencer n'importe quelle surah. Tu dis bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc lui, il a voulu faire précéder le bismillah parce qu'il a voulu en Qur'an. Et c'est une chose qui est mustahabba. Tamam. Donc le fait qu'il a fait cela, ce n'est pas pour nous indiquer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait le bismillah, mais pour nous imiter, tamam, la manière de lire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tamam. Comme c'est wadih, dans le début, il a dit Su'ila an qira'ati Rasulullah sallam. Il a été questionné au sujet de la manière dans laquelle le prophète sallam lisait. T'as-t'en? Il n'a pas été questionné est-ce que le prophète sallam yani, lisait à voix haute ou pas al-basmala. Donc, il y a yani, parmi les sahaba dans lesquels il est venu, il a dit à Omar. Lakin, Omar, yani, qui levait la voix pour al-basmala. Lakin, Omar ibn Khattab, comme on a pu le voir dans le hadith Anas, il yastaftihu salatahu bilhamdallah. T'as-t'en? وكذلك dans un autre yani al-Aswad ibn Yazid on dit un tabi'i qui nous rapporte qu'Omar il l'a pris derrière Omar plus de 70 fois et à chaque fois il n'a jamais élevé la voix bil basmala. Donc Omar il a deux qawl. Donc on dit comment tu peux prendre un argument ou plutôt yani déjà d'une part de sahabi pour faire un argument awalan et thaniyan comment tu peux juger de sa parole qu'elle est un argument alors qu'il a une parole qui contredit ce jugement là. Donc pourquoi tu prends pas cette parole là et pourquoi tu prends celle-ci? Donc on peut pas yani faire de cela un argument. كذلك ابن عمر on peut dire c'est un ijtihad. Ibn Abbas كذلك il a été évoqué qu'il a élevé la voix, lakin il nous a dit que le fait que tu élèves la voix c'est la lecture des bédouins. كذلك تمام. Abu Huraira ala kull hal même si jamais ça a été venu de certains sahaba, c'est pas pour autant que cela fait une preuve tamam, à laquelle il faut suivre. Donc le truc, il faut, nous, on doit se limiter sur quoi? Sur le suivi du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Nahnu muslimun wa l'islam yaqtadi tamam l'iman billah wa l'ittiba' bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les deux conditions pour que ton œuvre soit acceptée. Donc comme ils ont pu évoquer les ulama, barakallahu fikum, cette mas'ala-là, yani, tu vas trouver beaucoup d'athar, d'arguments qui sont mawquf, c'est-à-dire qui sont des paroles de sahaba. Il n'y a aucune parole, pour ceux qui ont dit que tu élèves la voix, qui est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc à partir du moment que ceci n'est pas présent, on ne peut pas faire de cela un argument. T'as-t'en? Donc as-sahih, c'est que tu n'élèves pas la voix et que tu la dises de manière basse. Cheikh al-Islam nous dit, il y en a à partir du moment qu'on sait que certains sahaba, ils l'ont fait, il nous dit, si jamais vraiment tu vois que, comme c'est le cas, l'histoire que je peux vous raconter, il dit, si jamais tu vois vraiment que le fait que tu le dises à voix basse, ça va ouvrir des portes à un gros problème. À un gros chahut comme ça s'est passé avec Cheikh Abu Amr. Il nous dit, dans ce cas-là, la basse que tu dises à al-basmala, quand même, pas parce que ça a été authentifié du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais parce qu'il y en a certains sahaba l'ont fait, quand même, et c'est une chose qui est mustahabba, et le fait de préserver la fraternité, c'est une chose qui est wajib, quand même. Donc il nous dit, yani, dans ces cas-là, il faut faire précéder, tamam, yani, akhafu ad-dararain. Tu fais précéder la chose qui va moins nuire, tamam. Donc le fait que tu la dises à voix haute, c'est une chose qui est moins, yani, t'auras fait une chose, ou plutôt, yani, t'auras fait une chose qui est, dont, yani, t'aurais dû la laisser. Tamam. Mais, laquine, c'est pour préserver la fraternité, tamam. Hatta hada, yani, c'est un ijtihad de Cheikh l'Islam, laquine, nahnu, inshallah, nu'allim an-nas. Il faut, yani, enseigner aux gens, yani, la chose qu'ils ont été, qui a été, authentifié du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on ne doit pas laisser yani, la folie des awam, les personnes de masse, prendre le dessus sur la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous on leur explique, même si jamais c'est un avis qui est correct, mais le mieux c'est de leur expliquer. On leur explique avec l'argument tamam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas ceci, cela, il a fait rien. Donc si jamais il prétend le contraire, qu'il ramène ses arguments, et il verra que ses arguments ils ne font pas le poids face aux arguments qui ont été évoqués sur les personnes qui disent que al-basmala tu dois la dire à voix basse, tamam. Au cas d'ailleurs, pour finir, inshallah, pour conclure, al-basmala c'est pas une ayah, mais une ayah le Coran, tamam. Walakin kama huwa sahih, c'est une ayah mustaqilla. C'est une ayah, c'est un verset qui est à part, tamam, qui est à part du de al-fatiha. Wa dalil ala zalika qawluhu subhanahu wa ta'ala, ou yani naham fil hadith al-qudsi, qala subhanahu wa ta'ala qasamtu naham salati qismain, tamam. Wa fi al-shahid, ce qui nous intéresse dans ce hadith, malgré que tout nous intéresse dessus, là, ce qui est important de tirer, qui est opportun à cette masala, ce sujet-là, il nous dit فَإِذَا قَالَ عَبْدِي بِسْمِ فَإِذَا قَالَ عَبْدِي الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَمِدَنِي عَبْدِي وَمَجَّدَنِي وَبِالْمَعْنَى. Le hadith est متفقن عليه, tamam, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit j'ai divisé la prière en deux, c'est-à-dire al-fatiha, tamam, parce que parmi les noms de al-fatiha, comme on va le voir, c'est barakallahu fihim as-salah, tamam. Et il nous dit, ou bien plutôt il nous dit dans ce hadith qudsi, que Allah subhanahu wa ta'ala dit lorsque mon serviteur dit alhamdulillahi rabbil alamin, donc il nous parle de quoi là? Il nous parle d'al-fatiha qu'il a divisé en deux. Donc il a commencé par le premier verset en disant alhamdulillahi, lorsque mon serviteur dit alhamdulillahi rabbil alamin, je dis mon serviteur m'a fait l'éloge et l'akhirahi, tamam. Donc si jamais al-basmala aurait été inversé, ou le premier verset de l'al-fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala aurait dit, si mon serviteur dit bismillah ar-Rahman ar-Rahim, j'aurais dit kada wa kada wa kada. Mais le fait que ça n'a pas été évoqué, ceci appuie l'argument de ceux qui disent que al-basmala, c'est pas une ayah parmi al-fatiha, mais c'est une ayah qui est mustaqilla, comme l'a dit Ibn Abbas, une ayah par laquelle le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il savait faire, yani, la différence entre barakallahu les surahs. Donc cette basmala là a descendu comme révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il puisse faire la différence entre les surah. Hadha huwa as-sahih fi hadhihi al-mas'ala wa inshallah sanaktafi bi hadha al-qadr wa fihi kifaya inshallah. Inshallah, donc demain, donc si on oublie la basmala avant la lecture de la Fatiha, je ne corrige pas mon sahih. Non, c'est une chose qui est mustahab. C'est mustahab, il y a pas de, il y a rien qui est venu sur le fait que qu'il y a une obligation, tamam. Donc le fait qu'il l'a fait à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? Comme on a pu le voir, ça fait cette chose-là qui est née, c'est mustahab. D'accord? Quand on a confié à Rasulullah, uswatun hasana. Wa fi'luhu, comme c'est ma'ruf, il y en a fait au sol fiqh. Le fait qu'il fasse une chose et qu'il ne l'ordonne pas, ça fait ce jugement-là qu'il est mustahab à partir du moment que tu n'as rien qui prouve le contraire. Donc le fait de délaisser, c'est makruh, jiddan. Parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pas connu qu'il ait délaissé cela. Car comment il va délaisser cela alors qu'il y a un isti'ana billah azza wa jal? Il y a une aide auprès d'Allah azza wa jal. Et l'abd, il a besoin de l'aide d'Allah Azzawajal pour toute chose, pour le petit doigt qui va lever, pour. Il ne peut pas se passer de l'aide d'Allah Azzawajal. C'est pour ça que Al-Fatiha a été légiféré. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Quand le Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, j'ai médité sur la meilleure dua qu'il peut avoir dans le Coran et j'ai vu que c'était la demande Al-Isti'adha billah Azzawajal. Que tu demandes l'aide auprès d'Allah Azzawajal. Car si Allah te donne l'aide, tu es muwaffaq fi kulli shay. Tu auras la réussite dans toute chose. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, inchallah, on conclut sur cela. T'as compris, elle doit être faite à chaque raka, c'est une chose qui est mustahab, comme on a dit, parce que la personne peut nous dire, à chaque raka, on doit la faire parce que c'est une obligation. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné, la personne peut dire que, donc on doit le faire à chaque fois qu'on veut lire le Coran, parce qu'il dit, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, si tu veux lire le Coran, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. À chaque fois que tu veux lire le Coran, c'est-à-dire que si jamais ta lecture a été coupée par d'autres choses, c'est-à-dire comme c'est le cas dans la salat, tu lis le Coran, ensuite tu vas en recours, tu fais des invocations, tu vas en soujou, tu fais des invocations. Donc lorsque tu reviens, il nous dit, là il faut recommencer le sirada, parce que tu vas relire le Coran. Et ils nous disent donc, est-ce que le jugement qu'on a, qui est le premier, il s'implique qu'il y en ait al-istirada qui est faite, il y en ait après la première rak'a, la deuxième, la troisième et la quatrième. D'apparence, c'est l'obligation, laquelle on ne connaît aucune personne parmi les ulama qui ont jugé que c'est obligatoire. Donc nous, on se doit de ne pas s'aventurer dans les choses où tu ne trouves personne qui peut y aller, barklofikum, y aller appuyer ton avis. Tu vois. Donc nous, on se contente de dire que pour la deuxième rak'a, c'est pas une obligation, mais c'est recommandé. C'est recommandé de prendre le refuge auprès d'Allah Azzawajal et c'est mustahab yani jiddan. Il n'est pas reconnu, mais à faire. Il y a l'obligation. Le fait de le faire, ça c'est mutafiq alayhi qu'il faut le faire. Il y a le fait de le faire. Est-ce que c'est une obligation ou pas? Ça c'est une autre chose. La première c'est une obligation, la deuxième c'est recommandé. La première demande de refuge, elle est obligée. Et la deuxième, elle n'est pas obligée. On ne connaît personne qui a jugé de l'obligation pour la deuxième raka. Du moins, wallah, selon l'effort de Cheikh Ana Mohamed Ibn Hizam, qui s'est vraiment investi dans son ouvrage Fath al-Allam, dans lequel on vous invite à vous acquérir si vous avez la possibilité de le faire. Car c'est vraiment un livre qui est riche en sciences. وَلَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا وَعَنِ الْإِسْلَامِ كَثِيرًا. Donc on se contente de ça, Inch'Allah. وَفِيكُمْ بَرَكَ اللَّهُ نَسْأَلُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَجْعَلَ هَذَا الدَّرْسَ نَافِعًا للإسلام والمسلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك. مع تحية دماج أفاخ.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار.